In that conversation in the hotel reception, you heard Hélène ask if there was a room for Mr. Saville. Je crois que vous avez une chambre réservée au nom de Monsieur Saville, n'est-ce pas? Another way of asking this would be to use the word réservation. Une réservation. Listen and repeat. Bonsoir. Je crois que vous avez une réservation pour Monsieur Saville, n'est-ce pas? Another way of saying I have a reservation is j'ai réservé une chambre. And to say who you are, you can add your name. For example, au nom de Wickham. Now listen to the French for I have booked a room in the name of Wickham and repeat it. J'ai réservé une chambre au nom de Wickham. Now it's your turn. You're going to hear those three different ways of asking about a reservation again. After each one, repeat it and add your own name at the end. 1. 1. J'ai réservé une chambre au nom de... 2. 2. Vous avez une chambre réservée au nom de... Three. Je crois que vous avez une réservation au nom de...